إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 17, la lecture du livre Al-Usul al-Thalatha avec le charh de Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah ta'ala. Et c'est dans son charh du livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui s'intitule Ithaf al-Uqul bi charh al-Thalathat al-Usul. On est arrivé à la place où l'auteur, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il mentionne maintenant les preuves du fait que l'invocation, le dua, fait partie de l'adoration, fait partie de l'ibada. Et le Cheikh il mentionne les preuves dans le Coran et les preuves dans le hadith aussi, et on va voir que ces preuves là sont très claires. Les preuves que le Cheikh a mentionnées, c'est un verset et un hadith, mais il y a beaucoup d'autres preuves dans le Coran à ce sujet là et malgré le nombre de preuves qui existent et malgré le fait que ces versets et ces hadiths sont clairs et explicites à ce sujet là il y a malgré tout des gens, des garments qui essaient de prétendre que le dua ne fait pas partie de l'invocation ou le dua ne fait pas partie de l'adoration plutôt. Donc ils essaient de dire que lorsqu'ils invoquent autre que Allah subhanahu wa ta'ala parmi les saints ou les hommes pieux, eh bien ils prétendent que ça c'est pas du shirk, comme l'exemple par exemple des Rafida lorsqu'ils invoquent le nom de leurs 12 imams ou un de leurs 12 imams, ils vont les appeler, ils vont les invoquer dans les moments de détresse ou des choses de ce genre. Donc ils disent par exemple ya Ali, ya Hussein, ya Fatima, ya kaza, ya kaza. Hein? Et ils prétendent que ça c'est pas du shirk. Ou bien ils leur demandent de les sauver, de les aider. Ya Ali, arithna, ya al-madad, al-madad, ya Ali. Ou des choses comme ça. Ou bien chez les soufis, c'est la même chose. Ils vont appeler les noms de leurs chouyours. Comme par exemple, ya Rifa'i, ya Shadili, ya Tijani, ya Qadiri, ya Abdul Qadir al-Jilani, arithna. Et des choses de ce genre. Donc ça, c'est des exemples de stirata qu'ils font. Ils disent non, ça c'est pas du shirk. Hein? Ça c'est, on fait juste comme ça. On les appelle, puis on croit pas que c'est eux qui ont créé les cieux et la terre. Donc c'est pas du shirk. Hein? Ils pensent que pour qu'il y ait du shirk, il faut qu'il y ait la rububiyya qui leur soit attribuée. Mais si que tu leur attribues pas la rububiyya, c'est pas grave. Alors que non, c'est pas une condition. Les mouchriquins de Quraysh, ils attribuaient pas la rububiyya à leurs idoles. Ils savaient que Allah est le seul Rab, le seul créateur, le seul maître, et le simple fait qu'ils adoraient d'autres que Allah, c'était suffisant pour que Allah subhanahu wa ta'ala les appelle par le nom de mouchriquins et qu'il mentionne que ce sont des gens qui font le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a plein de preuves de ça. On va mentionner l'exemple que Cheikh il a mentionné ici. Il dit قال المصنف رحمه الله والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Donc ici le cheikh il cite ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et quiconque invoque avec Allah une autre divinité au sujet de laquelle il n'y a aucune preuve, alors son jugement incombe uniquement, hein, son jugement incombe à Allah, c'est-à-dire son jugement sera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne donnera pas le succès aux non-croyants. C'est le verset 117 dans Sourate Al-Mu'minun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il indique ici clairement que d'invoquer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du shirk. Et donc, c'est ça. Parmi les gens de bid'a, comme je disais, il y en a qui disent non, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas dua, c'est nida. Hein? Nida. Donc ils font la différence entre dua et nida. Nida, ça veut dire l'appel. Et ils ne réalisent pas en réalité que nida, c'est une forme de dua. Hein? Nida, c'est une forme de dua. Et combien d'exemples dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne le fait que les prophètes l'ont invoqué en disant وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. C'est pour dire, yani, Nuh, il donne l'exemple, je crois que c'est dans Surat Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne tous les prophètes, et à chaque fois qu'il mentionne un prophète, il dit: et notre serviteur Nuh, il nous a appelé dans le sens qu'il nous a invoqué. Et donc An-Nida, ça rentre dans Ad-Dua et dans l'invocation, et ça fait partie donc de l'adoration aussi. Donc eux ils disent: si tu dis que l'appel c'est du shirk et c'est de l'invocation, ça veut dire que si tu appelles ton ami, ou si tu appelles ton père ou ton fils, ça veut dire que tu es en train de faire du shirk. Donc ils font pas la différence entre le fait d'appeler quelqu'un qui est vivant et d'appeler quelqu'un qui est mort. Donc pour eux ils disent c'est la même chose. Et en même temps aussi ils font pas la différence entre le fait d'appeler quelqu'un pour lui demander quelque chose qu'il est capable de faire, et d'appeler quelqu'un pour lui demander quelque chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire. Comme par exemple de t'invoquer, de te faire entrer au paradis, ou de guérir les malades, ou de te sauver dans les moments de détresse, ou des choses de ce genre, de te pardonner tes péchés, ou des exemples comme ça. Donc comment ces gens-là ne peuvent pas voir la différence entre ces choses? Et prétendent que d'appeler quelqu'un qui est mort dans sa tombe depuis plus de 1000 ans, que ça c'est normal. Hein? Donc ça c'est des exemples, et le cheikh donc il mentionne ce verset-là qui prouve que quiconque invoque avec Allah subhanahu wa ta'ala une autre divinité, qu'il n'y a pas de preuve à son sujet, alors son jugement il est auprès d'Allah, et il ne fait pas, il donne pas le succès aux kafirun, aux mécréants. Cheikh Ubayd حفظه الله, il dit: سمى الله سبحانه وتعالى من دعا به غيره كافرا لقوله إنه لا يفلح الكافرون. Donc le cheikh il dit dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé ceux qui invoquaient d'autres divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala, il les a appelés kafirun, puisque au début du verset il dit: et quiconque invoque autre divinité avec Allah, hein, au sujet duquel il n'y a aucune preuve, son jugement sera auprès d'Allah, et il ne donne pas le succès aux kafirun. Donc ça veut dire que ceux qui invoquent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'autres avec Allah, sont des kafirun, sont des mécréants. Et il mentionne ici le verset, dans le verset il y a une partie où Allah subhanahu wa ta'ala il dit يعني لا برهان له به, c'est-à-dire quiconque invoque avec Allah une divinité au sujet de laquelle il n'y a pas de preuve. Donc le cheikh il dit: هل هناك إله عليه برهان مع الله؟ قال أهل العلم: هذا إخبار عن الواقع. الواقع أن كل معبود مع الله عز وجل أو دونه لا برهان يدل على حقيته العبادة وإنما هذا إخبار بالواقع. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit une divinité au sujet de laquelle il n'y a pas de preuve, est-ce qu'il y a une divinité au sujet de laquelle il y aurait une preuve, est-ce qu'il y aurait une divinité au sujet de laquelle il y aurait une preuve pour qu'on l'évoque avec Allah? Et le cheikh il répond en disant, les hommes de science ont dit ça, c'est juste Allah subhanahu wa ta'ala qui nous informe de la réalité, du fait que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, il n'y a pas de preuve à son sujet. C'est pas qu'il y en a une divinité qui aurait une preuve à son sujet. Et ça répond en même temps à une des choubouhat de ces gens-là, justement, les gens de l'égarement. Parfois, ils vont essayer de chercher n'importe quoi pour essayer de justifier le shirk qu'ils font. Donc ils disent, non mais nous on invoque une divinité en dehors, avec Allah ou en dehors d'Allah, mais qui a une preuve à son sujet. Hein? Non, il n'y en a pas de divinité que tu peux invoquer avec Allah au sujet de laquelle il y aurait une preuve, puisque elles sont toutes fausses. Et Allah a interdit d'adorer autre que lui et d'invoquer autre que lui. Le cheikh il dit ensuite, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne ensuite le hadith, il dit, وَقَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهِ وَفِي الْحَدِيثِ الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ. Donc, Cheikh Ubaid il dit, هذا ضعيف وفي إسناده ابن لهيعة والصحيح قوله الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. Donc, le Cheikh il mentionne que le hadith du Prophète صلى الله عليه وسلم prouve également que l'adoration, que le dua fait partie de l'adoration, et il mentionne le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que le dua c'est le cœur ou c'est le centre, hein, le noyau de l'adoration, mukhul ibada. Et le hadith en question il est faible. Cheikh Ubaid il dit ça c'est un hadith qui est faible parce que dans la chaîne de narrateurs dans ce hadith il y a un des rapporteurs qui s'appelle Ibn Luhay'a. Et comme Al-Hafiz Ibn Kathir, le Cheikh il mentionne dans la note de bas de page, Al-Hafiz, pas Ibn Kathir, Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar, fi taqrib al-tahdhib, قال, خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. Donc, il dit que Abdullah ibn Luhay'a, c'était en fait un grand savant. Hein, et c'est un rapporteur de hadith aussi. Mais, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que il rapportait selon ce qu'il avait écrit dans ses livres. Et ses livres, à un moment donné, il y a eu un feu. Ses livres ont brûlé. Et après cet événement-là, il continuait à rapporter le hadith, mais selon sa mémoire. Mais étant donné que sa mémoire n'était pas assez forte, donc ça arrivait qu'il faisait parfois des confusions ou des mélanges ou des erreurs dans les hadiths qu'il rapportait. Donc les ulama ont déclaré qu'il était daïf et donc il ne prenait plus ses hadiths. Il ne prenait plus ses hadiths après cet événement-là. Toutefois, ils disent que quand il rapporte selon Ibn al-Mubarak et Ibn Wahb, il est plus juste que dans les autres hadiths qu'il rapporte. Puis le hadith en question, il est rapporté par At-Tirmidhi et également par At-Tabarani. Et donc, Cheikh Al-Alban, il a mentionné à propos de ce hadith-là, qui est rapporté selon Anas ibn Malik, qu'il est da'if. Et Cheikh Al-Alban, il l'a mentionné dans Sahih, ou plutôt dans Da'if al-Jami' al-Saghir. Dans Da'if al-Jami' al-Saghir. Toutefois, il y a une autre version de ce hadith. Et c'est la version qui dit Ad-du'a'u huwa al-ibada. Ad-du'a'u huwa al-ibada. Et cette version est rapportée par l'imam Ahmad et Abu Dawood et At-Tirmidhi. Et également par Ibn Hibban. Et Cheikh Al-Alban l'a authentifié dans Sahih al-Jami'. Et cette version est authentique. Et qu'est-ce que ça dit? Cette version, c'est que l'invocation, c'est l'adoration. L'invocation, c'est l'adoration. Donc, quelqu'un ne peut pas dire par la suite, après un hadith aussi clair, que le dua, ça ne fait pas partie de l'adoration, puis que s'il invoque ou s'il demande à un mort ou à un prophète ou à un ange ou à un djinn ou à quelque chose qui fait partie du raïb ou quelque chose qui est visible comme une statue ou une idole ou les étoiles ou autre chose, il les invoque en dehors d'Allah ou il les prie en dehors d'Allah, ou une croix ou Jésus ou Marie ou autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui demande quoi que ce soit, alors dans ce cas-là c'est clair qu'il lui a offert une forme d'adoration et c'est clair qu'il a commis du shirk. Et comme on a dit, le shirk ça annule totalement toutes les œuvres que quelqu'un a fait, et ça également ça rend toutes ses œuvres vaines, et ça fait en sorte que la personne, elle est en enfer, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. C'est-à-dire, quiconque fait le shirk avec Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit le paradis, et sa destination c'est l'enfer, et pour les injustes il n'y aura pas de secoureur. Et également le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on fasse du shirk avec lui et qu'on associe quoi que ce soit avec lui, mais en dehors du shirk, il pardonne tout autre péché à qui il veut. Donc si c'est un péché autre que le shirk, donc ça il peut le pardonner à quelqu'un si la personne en question elle meurt sans se repentir. Il peut lui pardonner si c'est pas du shirk, comme parmi les kaba'ir ou des choses comme ça. Allah peut lui pardonner s'il meurt sans se repentir, tandis que s'il meurt sans se repentir et qu'il a commis du shirk majeur, alors dans ce cas là il sera en enfer pour l'éternité. Et le cheikh il mentionne une autre preuve encore à propos de l'invocation maintenant dans le Coran, un autre verset. وقال المصنف رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Donc regardez bien ce verset, comment Allah subhanahu wa ta'ala au début du verset il dit وقال ربكم ادعوني, invoquez-moi, votre Seigneur a dit invoquez-moi, astajib lakum, je vais vous exaucer, je vais vous répondre. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Et après, il fait référence à l'invocation comme étant son adoration. Puisqu'il dit ceux qui s'enflent d'orgueil vis-à-vis de mon adoration, ils entreront dans l'enfer humiliés. Donc ça veut dire que l'invocation, c'est l'adoration. Puisque Allah, il a appelé le dua ibada dans ce verset là donc ça c'est une preuve claire. Et le cheikh il dit, cheikh Ubayd à ce sujet là il dit في هذه الآية أولا حث العباد على الدعاء ثانيا وعدهم على الدعاء بالإجابة وثالثا تسمية الدعاء عبادة إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سمى الدعاء عبادة وقد مضى الحديث الدعاء هو العبادة. Donc le cheikh il dit que donc dans ce verset il y a trois choses. Le premier c'est l'incitation, Allah incite les hommes à l'invoquer, à faire le dua. Deuxièmement, il leur promet qu'il va leur répondre. Et troisièmement, il appelle le dua, l'adoration, dans le verset, puisqu'il dit عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن الذين يستكبرون عن عبادتي. C'est la preuve que c'est une invocation. Non. Des fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle d'une chose et il la mentionne, comme par exemple dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ou bien il a dit par exemple al-hajj arafa. Donc c'est de mentionner une chose pour montrer son importance, il généralise pour montrer que cette chose-là, elle est importante, comme si c'était ça, hein, l'adoration. C'est-à-dire comme s'il n'y avait pas, comme si toute l'adoration, elle est concentrée dans celle-là, même s'il y a d'autres adorations, mais celle-là, elle est tellement importante que c'est comme si c'était ça l'adoration. Comme quand le prophète m'a dit Ad-dinun nasiha, il dit la religion, c'est la sincérité, c'est an-nasiha, c'est le bon conseil, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ça, c'est tellement important dans la religion de l'islam que c'est comme si ça résumait l'islam en tout ce que l'islam signifie. Ou bien le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Al-Hajj Arafah, c'est-à-dire c'est un des piliers du Hajj, c'est Arafah. Si tu te tiens pas sur Arafah avant le coucher du soleil, tu n'as pas de Hajj. C'est comme si tu n'avais pas fait le Hajj. Donc c'est pour dire que le Hajj, le Arafah est tellement important dans le Hajj que c'est comme si c'était ça le Hajj. Donc c'est pour dire, des fois pour indiquer l'importance d'une chose, il résume la chose par celle-là. Et donc ça c'est un exemple ici. Ça ne veut pas dire que il n'y a pas d'autre adoration que le dua ou l'invocation, mais ça veut dire que la plus grande forme d'adoration, c'est le dua, puisqu'on la retrouve dans presque toutes les autres adorations. Yani quand tu fais la salat, tu fais des dua. Quand tu fais yani la prière dans le ruku, sujud, dans toutes les positions de la prière, tu fais toujours l'invocation. Et dans presque toutes les adorations que tu fais, c'est toujours relié à l'invocation. Et donc c'est pour cette raison là que yani c'est si important. Même que le mot salat, il signifie dans la langue arabe ad-du'a. Yani as-salat lughatan huwa ad-du'a. Donc c'est pour dire que le du'a, c'est une des plus grandes formes et plus importantes formes d'adoration. Et ceux qui commettent le shirk en général, ils commettent principalement leur shirk dans le fait d'invoquer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Tu regardes par exemple les hindous, les bouddhistes, les chrétiens, les juifs ou autres, quand ils font du shirk, c'est en général parce qu'ils prient à d'autres que Allah ou qu'ils invoquent d'autres que Allah et des choses de ce genre. Donc d'offrir cette adoration là à autre que Allah, c'est un des signes les plus manifestes du shirk. Et d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Même ceux qui sont dans les pays musulmans, qui se disent musulmans, qui prétendent à l'islam et qui font la salat, qui font le jeûne, qui font le ramadan, qui font le hajj, puis qui adorent les tombes et les morts, quand ils vont visiter les morts des hommes pieux et des saints et qu'ils vont faire des pèlerinages à leurs tombes, ils leur font des invocations, ils leur font des doigts et ils font du shirk de cette façon-là. Donc c'est pour montrer donc cette chose là hein? Et le cheikh dit wa rabi'an yabqa min ayna yustafadu an-nahy 'an du'a'i ghayrillah yustafadu an-nahy min al-wa'id yustafadu an-nahy min al-wa'id fa inna al-wa'id 'ala al-fi'l sighatun min siyagh an-nahy al-far'iyyah kama huwa muqarrarun fi al-usul wan-nahy huna للتحريم قولا واحدا عند أهل الحق لا صارف له أبدا. Donc le cheikh il dit comment on peut tirer de ce verset l'interdiction d'invoquer autre que Allah. Il dit on peut tirer de ce verset l'interdiction d'invoquer autre que Allah dans la menace qui est mentionnée dans le verset, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux qui s'offrent d'orgueil, qui s'enflent d'orgueil vis-à-vis de son adoration, eh bien, ils vont entrer en enfer humiliés. C'est-à-dire, ceux qui s'enflent d'orgueil vis-à-vis de son invocation, hein, eh bien, ils vont entrer en enfer humiliés. Ça, c'est une menace d'Allah, qu'ils vont entrer en enfer. Donc ça fait partie des formes par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala interdit quelque chose. Et ça, c'est établi dans la science de ce qu'on appelle « usul al-fiqh ». Hein, parce qu'il y a des chapitres dans les livres de Usul al-Fiqh, les ulama ont expliqué comment on peut déterminer les formules par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala interdit quelque chose. Quand il mentionne des choses dans le Coran, comment on détermine que c'est une interdiction? Parce qu'ici, il n'y a pas n'invoquez pas autre que Allah. C'est pas écrit ça dans le verset de cette façon. Mais le fait que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne l'adoration et le dua et qu'il menace ceux qui le font pour autre que Allah, hein, ou qui s'enflent d'orgueil vis-à-vis de son invocation, et qu'il l'appelle ibada, on sait que l'adoration, elle doit pas être offerte à autre que Allah. Donc ça implique que si tu offres ton adoration, ton invocation pour autre que Allah et tu invoques autre que lui, dans ce cas-là, tu as commis du shirk. Hein, et que ça, c'est interdit. Et il dit: وَبَقِيَ فِي الدُّعَاءِ أُمُورٌ لَا بُدَّ مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَيْهَا. Donc il dit qu'il y a des choses qu'il faut mentionner au sujet de l'invocation. Et la première qu'il mentionne, on va le mentionner, ce premier point-là, puis on va s'arrêter pour aujourd'hui à ce point. Le cheikh, il dit: وَأَوَّلُهَا الدُّعَاءُ نَوْعَانِ وهما دعاء عبادة ودعاء مسألة. فالدعاء المسألة هو سؤال العبد ربه جلب الخير ودفع الشر. ومن أمثلة دعاء المسألة المأثور ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. Donc ici le cheikh il mentionne un exemple d'invocation. Il dit: وقوله صلى الله عليه وسلم وألذوا بياذ الجلال والإكرام، وألذ بياذ الجلال والإكرام. والدعاء يجب أن يكون باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، فمن الأسماء الحديث السابق، ومن الصفات أعوذ بعزة الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء. يعني ودعاء الاستخارة المعروف. Donc le cheikh il mentionne qu'il y a deux formes d'invocation, deux formes de dua. Dua ibada, donc c'est un dua qui est dans le but de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et de mentionner sa majesté, sa grandeur et tout. Et dua mas'ala, ça c'est l'invocation de la demande. Donc l'invocation d'adoration et l'invocation de la demande. Et quand les ulama ils divisent l'invocation de cette façon, demande et adoration, ça ne veut pas dire que l'invocation de la demande c'est pas une adoration. Les deux sont une adoration. Sauf qu'il y en a une dans laquelle tu invoques Allah, tu vas pas lui demander, tu vas juste le glorifier. Et dans l'autre, tu vas lui demander seulement, ou bien tu vas le glorifier et lui demander en même temps. Donc les deux sont une adoration, et le cheikh il donne des exemples de ce genre d'invocation là lorsque par exemple le serviteur il demande à son seigneur de lui amener un bien quelconque ou de repousser un mal. Alors il donne des exemples de ce qui est rapporté par Al-Bukhari selon Ibn Abbas radiallahu anhu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il disait lorsqu'il y avait une situation difficile ou un malheur, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, le très grand et le doux ou le al-halim, je sais pas le bon terme pour traduire al-halim, mais bon. Et il dit ensuite: rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, le Seigneur du trône, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, le Seigneur des cieux et de la terre, et le Seigneur du noble trône. Donc ça c'est un exemple de dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait appeler Allah subhanahu wa ta'ala et invoquer-le par le fait de dire ô toi celui qui détient la majesté et la noblesse, ya dhal jalali wal ikram. Donc ça c'est des exemples de dua qu'on peut faire. Et aussi on peut invoquer Allah donc soit par ses noms, donc en mentionnant ses noms comme les dua qu'on vient de mentionner, ou bien par ses attributs, par les attributs d'Allah. Comme par exemple, quand tu dis « A'udhu bi'izzatillah », je cherche refuge en la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien « A'udhu bi'kalimatillah al-tammat min sharri ma khalaq », je cherche le refuge en les paroles complètes d'Allah de tout mal qu'il aurait créé. Et également un autre exemple, je te demande, ô Allah, par ta miséricorde qui a enveloppé toute chose. Donc ça c'est des exemples. Puis il mentionne aussi le dua al-istikhara, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub ila akhirih. Ça c'est des exemples d'invocation aussi. Donc pour aujourd'hui on va s'arrêter ici, puis on va continuer cette explication demain bi'ithnillah. Non pas demain, c'est demain, ce sera le livre de fiqh, donc ce sera à partir de lundi qu'on va reprendre les cours inshallah de al-usul al-thalatha. Donc on est jeudi aujourd'hui, donc c'est le dernier jour pour al-usul al-thalatha. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.